Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'actualité de l'histoire sur le web avec une nouvelle chaîne YouTube. Oui, c'est Amandine Marshall, archéologue de métier, qui lance la chaîne Tout en Catube. Le premier épisode est d'ores et déjà en ligne. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec des bouts de cadavres éparpillés un peu partout. Mais cela va forcément avoir un impact sur la conservation du corps et sur sa position, à l'air libre ou dans sa tombe. Alors, Amandine Marshall répond à la question « Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser ?» Oups. Amandine Marshall applique les recettes élémentaires de la course au clic sur le net. Mais si le titre est outrancièrement aguicheur, la réponse est solidement documentée et collective, puisqu'elle s'accompagne des noms d'archéologues dont les travaux permettent de répondre à la question de manière scientifique. Je vous laisse découvrir la vidéo, mais il y est bien sûr question d'embaumement et de bandelettes, d'éviscération et d'onguents nécessaires à la bonne tenue de l'enveloppe corporelle des classes supérieures égyptiennes de l'Antiquité. Tout en Catube promet un épisode par mois pour partager l'état des connaissances archéologiques, mais également pour démonter les fausses vérités qui pullulent sur l'Égypte ancienne. Il y a énormément de mauvaises informations qui circulent sur le web, de façon générale, et c'est vrai que l'Égypte antique est vraiment une source de fantasmes pour beaucoup de gens, et donc on raconte tout et n'importe quoi, et souvent un peu trop n'importe quoi. Alors en tant qu'égyptologue, moi mon travail c'est de faire de la recherche, mais j'estime que mon autre travail qui est très important et puis qui est passionnant à faire, c'est justement de porter cette recherche devant le public. Si la fake news égyptomaniaque est si présente, cette passion pour les mystères a une histoire très longue. À commencer par ses voisins et envahisseurs, malgré le déclin politique de l'Égypte, ses voisins et contemporains grecs et romains admirent le raffinement égyptien. Au XIXe siècle, l'Europe transforme cette égyptophilie en égyptomanie. Les morceaux de momies plus ou moins authentiques sont parés de vertus guérisseuses, on organise des soirées de débandelettage de momies, les rues du Caire et les formes pyramidales s'installent dans l'espace public des grandes métropoles et les apprentis archéologues se lancent dans l'exploration des sites historiques en rêvant de découvrir les tombeaux et leurs trésors. Les ancêtres d'Indiana Jones s'installent pour longtemps dans la représentation de l'ésotérisme exotique des anciens pharaons. De Théophile Gautier à Woody Allen, l'Égypte ancienne devient un territoire d'aventures romantiques et littéraires. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. I gotta speak to you. You mean me? Ce tropisme égyptomaniaque se développe particulièrement chez nos voisins britanniques. Pourquoi l'Égypte fascine-t-elle autant les écrivains de l'Angleterre victorienne? Pour Nolwenn Coryou, auteur de la thèse « Le retour de la momie, du gothique impérial au roman archéologique britannique 1885-1937 », cette égyptomanie coche toutes les cases de l'anxiété qui travaille la société victorienne d'alors. La momie en tant que cadavre ambulant sublime la déstabilisation frémissante de l'Empire britannique en perte de vitesse. Tandis qu'en métropole, l'ordre social victorien se fissure sous les coups des revendications syndicales et des suffragettes. On joue à se faire peur, sans oublier la dimension sexuée qui agrémente bien sûr les récits de fiction. Le mâle blanc archéologue et conquérant s'affronte à toutes ses failles dans sa rencontre avec la momie féminisée qui trouble ses certitudes occidentales et coloniales. Un cocktail idéal pour un fantasme inépuisable. Merci beaucoup Anaïs Kien pour ces momies sur l'actualité de l'histoire, des informations que l'on retrouve avec les liens utiles sur la page du journal de l'histoire sur franceculture.fr. Anaïs, à très vite dès la semaine prochaine pour la suite des aventures.